بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous avons vu, inshallah, la semaine dernière, Suluk al-Muslim fil Masjid. Nous avons commencé avec une introduction que, qu'étant responsable, nous nous devons de connaître comment interagir avec les maisons d'Allah, qui sont les mosquées, afin de ne pas être du nombre des ignorants et des injustes envers nous-mêmes. On se doit de respecter les mosquées d'Allah Azza wa Jal, qui ont été élevées que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Nous avons vu le premier point, notamment que celui qui a perdu une chose dans la mosquée, il lui est interdit de la demander, car les mosquées n'ont pas été établies. Car les mosquées n'ont pas été établies pour cela. Mais elles ont été établies pour le rappel d'Allah et les prières. Donc celui, yani je fais un résumé en français rapidement, ensuite on va commencer, Inch'Allah. Donc celui qui se met à rechercher quelque chose, de l'argent qu'il a perdu, une montre ou bien un portable, et qui dit, qui c'est qui a vu ça, il est du devoir du musulman, de celui qui l'entend, d'invoquer Allah contre lui, en lui disant que tu ne le retrouves pas, et de dire ce que le prophète Mohammed sallam a dit, les mosquées n'ont pas été établies pour cela. Ensuite, nous avons vu qu'il était interdit de cracher en direction de la Qibla, et ceci, que ce soit dehors, dans les bâtiments ou dans les mosquées. D'accord ? Et aussi, lorsqu'on parle, en ce qui concerne les besoins, la personne, même si elle est dans le désert, elle ne doit pas, même si elle est dans le désert, elle ne doit pas cracher en direction de la Qibla ou faire ses besoins en direction de la Qibla. Hein? Ensuite, nous avons vu que l'homme se doit de se parfumer et de s'habiller de la meilleure des façons lorsqu'il vient à la mosquée. Lorsqu'il vient à la mosquée, il se doit de s'habiller et de se parfumer. Alors que le parfum est interdit pour les femmes. La femme qui sort se parfumant et vient à la mosquée, chaque œil qui la voit sera fornicatrice. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et bien sûr, le dernier point que nous avons vu, c'était l'interdiction des mauvaises odeurs. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que celui qui a mangé des oignons ou de l'ail ou du poireau, فَلْيَعْتَزَلْنَا وَيَعْتَزَلْ مَسْجِدَنَا, qu'il nous quitte et qu'il quitte notre mosquée. Nous avons dit que si, par exemple, la personne elle a mangé ça durant son repas, l'odeur elle est encore présente et il vient à la mosquée. Ça risque de déranger ceux qui prient avec lui. Donc tout ce qui dérange, que ce soit les mauvaises odeurs, comme les odeurs de la cigarette, ou toute mauvaise odeur, ou chaussettes sales, ou... et tout ce qui dérange, c'est-à-dire même le bruit des portables, même le vibreur des portables qui reste à vibrer, ça fait diminuer la crainte d'Allah Azza wa Jal. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن السعي إلى المساجد له فضل عظيم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous informait qu'il y a un bien énorme dans le fait de, yani le chemin qu'on prend pour se diriger à la mosquée. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. Quiconque fait ses ablutions chez lui, là on parle bien, qui fait ses ablutions chez lui, puis marche en direction de la mosquée, avec l'intention de se rendre à la mosquée, eh bien, pour faire une obligation, que ce soit une prière obligatoire, eh bien, chaque pas qu'il fait pour se diriger à la mosquée, ça lui efface un péché et ça l'élève en degré. ولذلك كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقارب بين خطواته كان يجعل خطواه متقاربا حتى تزداد الخطوات لكي يحصل على هذا الأجر من رب الأرض والسماوات. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، فهو يريد أن يزيد في الخطوات ليحط كثيرا من الخطايا ويعلى به سعيه كثيرا من الدرجات. Donc, parmi les pieux prédécesseurs, les salafs salih, il y en avait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est que lorsqu'ils se dirigeaient à la mosquée, ils ne faisaient pas des grands pas. Mais ils faisaient en fait, ils rapprochaient ses pas pour avoir plus de pas de fait. Et pour avoir plus de péchés effacés et pour être plus élevé en degré. Donc lui, ce qu'il voulait, il voulait augmenter le nombre de pas pour recevoir ses récompenses énormes. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا دخل المسجد متطهرا في بيته ينتظر الصلاة فهو في صلاة من انتظر الصلاة له أجر مصلي ما دام جالسا في المصلى ينتظر الصلاة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a informé que l'individu qui entre dans la mosquée en ayant fait ses ablutions chez lui, il a fait ses ablutions et il rentre dans la mosquée et qu'il attend la prière en groupe, cet individu est en prière, il est assis, il est en train d'attendre la prière, et bien il reçoit la récompense de celui qui est en prière. فَإِذَا كَانَ كَمِثْلِ الَّذِي هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَيَتَحَصَّلُ عَلَى الْأَجْرِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ يَأْخُذُ بِاللَّغْوِ وَبِالْكَلَامَ الَّذِي لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤَخِّرُ بَلْ هُوَ يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ بِيَقِينٍ. Donc cet individu, s'il sait que la récompense de le fait d'avoir fait ses ablutions chez lui, puis de s'être rendu à la mosquée et d'être en attente dans la mosquée jusqu'à ce que ce soit l'heure de la prière en groupe, hein, il sait la récompense que il reçoit la récompense de celui qui est en prière. Comment se fait-il alors qu'il se met à parler de choses futiles et inutiles qui ne sont ni du dhikr, ni de la lecture du Coran, c'est juste des choses de la dunya, ou il va commencer à parler sur un tel, ou dire ce qu'il a fait aujourd'hui comme course ou quoi que ce soit. Et ce sont des choses qui lui seront en rien bénéfiques, parce qu'il perdra la récompense. لأنه كلام لا يخلو من الغيبة ولا يخلو من الكذب ولا يخلو من النميمة ولا يخلو من الاستهزاء بخلق الله. وهذا معلوم في مجتمعاتنا التي تقاربت فيها نفسيات الرجال بنفسيات النساء، ولكن هذا خاص في حقيقة الأمر بنفسيات النساء. Car ces paroles que l'individu dit alors qu'il est dans la mosquée, hein, en train d'attendre l'heure de la prière, ces paroles sont très souvent imprégnées de riba. La riba, c'est le fait de parler sur un frère en son absence. Sont imprégnés de mensonges, sont imprégnés de némima, le fait de tenter de mettre deux frères en conflit, de rapporter des paroles que l'autre ne veut pas entendre et essayer de... Hein? Imprégnés de moqueries sur les créatures d'Allah. Parfois, ils vont se moquer sur une des créatures d'Allah, azzawajal. Et ceci est connu et très répandu dans nos sociétés, où l'attitude des hommes et celle des femmes sont devenues proches, alors que tout ceci est en vérité spécifique normalement à l'attitude des femmes. Ce sont souvent les femmes qui sont tout le temps dans les paroles comme ça. لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولَ لِلنِّسَاءِ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, j'ai pu voir dans le feu de l'enfer et j'y ai trouvé que les femmes sont les plus nombreuses parmi les gens du feu. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, qu'il a vu dans le feu de l'enfer, lorsque par exemple c'était l'Isra wal Mi'raj, d'accord ? Ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe des choses qui font partie de l'invisible, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Mais c'est un savoir d'Allah Azzawajal qui lui est transmis. Et lorsque ce savoir lui est transmis, eh bien, il nous en a fait part et nous, on connaît cela. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant, si nous, par exemple, on dit des choses qui font partie de l'invisible, ça veut dire qu'on connaît l'invisible. Allah Azzawajal a clairement mentionné dans le Coran que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Qu'Allah a'alimul ghayb, wa law kunta a'alimul ghayb, lastakfarta minal khayr. » Subhanallah, si je connaissais l'invisible, eh bien, j'aurais pu... Ou même si j'aurais pu yani accumulé les bonnes choses et le mal ne m'aurait pas touché. Donc faut pas en fait se tromper dans la... Donc je ferme la parenthèse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai pu voir dans le feu, dans l'enfer, et j'y ai trouvé que les femmes sont les plus nombreuses parmi les gens du feu. قامت امراه فقالت يا رسول الله ولما. Une femme s'est levée et a dit: ô messager d'Allah, pourquoi les femmes seront les plus nombreuses يعني parmi les gens de l'enfer. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول ذكر سببا مخوفا حقا قال ليكفرن. Il a dit, le messager صلى الله عليه وسلم, il a mentionné quelque chose qui fait peur. Il a dit parce qu'en fait elle mécroit. قالت يا رسول الله يكفرن بالله. Elles ont dit, cette femme là a dit: ô messager d'Allah, est-ce qu'elle mécroit en Allah? قال لا يكفرن لا pardon لا يكفرن العشير. Il a dit non, elle ne mécroit pas en Allah. OK, mais elle mécroit au ashir. L'ashir, c'est la personne, son mari. D'accord? Sur les liens qu'elle a, sur, et on va voir ça dans le détail tout de suite. ثم توجه بالكلام الى رجال فقال ان احدكم لو احسن الى امراته 40 سنه ثم اساء اليها مره واحده لقالت ما وجدت منك احسانا قط. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en se tournant vers les hommes, il leur a dit: si l'un de vous faisait preuve de bonté envers sa femme pendant 40 ans, puis s'est mal comporté avec elle une seule fois. Donc pendant 40 ans, il a été très bon avec elle, et une seule fois, il s'est mal comporté avec elle, elle lui dira: tu n'as jamais été bien, tu n'as jamais été bon avec moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yukhbiru anna an-nisa hunna aktharu ahli an-nar adada wa aktharu ahli an-nar dukhulan wa wuruda. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que les femmes les plus nombreuses sont les plus nombreuses parmi les gens de l'enfer. Et ce sont elles qui entreront le plus en enfer. De part, vous voyez, c'est les attitudes qu'elles ont. Al-mar'atu la tataharraz wa tutliq lisanaha wa la tasunu baytaha li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wal-mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa mas'ula 'an ra'iyatiha. والمرأة في بيت زوجها راعية ملكة في بيت زوجها. Parce que la femme, hein, elle ne retient pas sa langue. Elle ne retient pas sa langue. Et parfois, elle prend les choses à la légère en question de religion, alors qu'elle est responsable dans sa maison. Elle est responsable. C'est-à-dire même qu'en faisant les prières, comme nous allons le voir. لا يلتفتن إلى الصلاة ومن صلت منهن لا تستطيع أن تقيم الصلاة على وجهها تنقر الصلاة ولا تتم ركوعها ولا سجودها وهي في الحقيقة غير مصلية وربما تصلي سنين عاما أو يزيد ولا يكتب لها صلاة واحدة إلا إذا صلت في بيت من بيوت الله خلف إمام من أئمة المسلمين. Lorsque ces femmes qui ont ces attitudes là, eh bien elles ne donne même pas d'importance à la prière, même connaissant comment la faire, la prière. Et parfois, elle ne fait même pas le recours correctement. Et donc, elle l'a fait hein, à la vitesse. Ah, ça y est, ça fonctionne. Elle l'a fait d'une façon très rapide. Hein, d'une façon très rapide. Sans prendre le temps, sans prendre en considération les conditions, les piliers et les obligations de l'acte d'adoration. Et donc, elle peut peut-être prier pendant des années, peut-être 60 ans ou plus, et peut-être qu'elle n'a même pas une salette hein, qui lui est acceptée parce qu'en vérité, elle n'a pas prié alors qu'elle ne priait pas correctement. Et c'est un point que nous allons voir concernant ici, Inch'Allah. لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِأَنَّ النَّبِي الْأَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِلْرَجُلِ الَّذِي أَسَاءَ الصَّلَاةِ بين يديه فلم يتم ركوعا ولا سجودا ولم يحسن قياما ولا قراء قال له بعد أن فرغ من تلك الحركات التي تحركها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui a mal fait sa prière, Ça s'est passé devant le prophète, il le voyait prier. Et il ne faisait pas correctement le ruku, il ne faisait pas correctement le qiyam, ni la qira du Qur'an, ni la lecture, ni la prosternation. Il a terminé la salat, il venait pour partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne et va prier, car tu n'as pas prié. » فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِرْجَعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. Il a refait de la même façon qu'il a fait la première fois. Il a refait de la même façon qu'il a fait la première fois. Il a terminé, il venait pour partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » فَرَجْعَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ قَالَ اِرْجَعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. Donc à la troisième fois, il a répété comme il l'a fait dans la deuxième fois. Et il voulait pour partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » Puis l'homme, yani, قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذه. Il a dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais que cette façon de prier. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى على حسب ما تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات على ما كان عليه لدخل النار. لو مات على ما كان عليه لدخل النار. سبحان الله. هو كان يصلي. Donc l'homme, il s'est mis, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a enseigné comment prier. L'homme s'est mis à faire comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a enseigné. Puis il est parti cet homme-là. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, s'il serait mort dans l'état où il était, c'est-à-dire que comme il faisait sa prière avant que je lui enseigne, s'il serait mort dans cet état, il serait entré en enfer. Il serait entré en enfer. Subhanallah. Ça, c'est la personne qui prie et qui ne la fait pas de la mauvaise façon. On ne parle pas de ceux qui délaissent la prière. Hein. On parle de celui qui prie et qui ne la fait pas de la façon correcte. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yalumuhu li'annahu la yas'alu amma yanfa'uhu. Et c'est ce point-là que je voulais insister. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cet homme. Pourquoi il l'a blâmé? Parce que cet homme ne demandait pas sur ce qui lui est bénéfique. Une chose qu'il ne sait pas, il demande. Non. Il veut, la personne elle veut faire comme ça, comme elle a dans la tête. La personne ne sait pas, elle demande. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé pour cela. الإنسان إذا كان له شأن من شؤون الدنيا يسأل عنه المجرب ويسأل عنه البصير به والعالم به والذي يحيط به علما ولا يقدم رجلا إلا إذا توفق من مواضعها وأما في شأن الدين فالدين قد هان على الخلق أجمعين إلا من رحم الله. Lorsqu'il s'agit de choses concernant cette vie d'ici-bas, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se renseigner. Il va se renseigner sur celui qui a de l'expérience. Celui qui maîtrise telle chose, qui comprend. Celui qui sait comment faire. Celui qui... Alors là, les trucs de la vie d'ici-bas, il va se renseigner et il ne fera pas un pas, excepté s'il a bien compris comment faire exactement. Alors qu'en termes de religion, les gens, excepté ceux pour qui Allah a miséricorde sur eux, ils prennent la religion à la légère. Ils prennent la religion à la légère et ne cherchent même pas à comprendre. المساجد لا يجوز فيها ما يجوز في بقاع الأرض. هذا اللغو وهذا اللغات وهذه الترترة وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع هذا ممنوع في بيوت الله رب العالمين. Il n'est pas permis dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal ce qui est permis dans le reste des endroits sur terre. Tous ces discours, ces discussions, ces paroles qui ni n'engraissent ni n'appellent la faim, qui n'est ni bénéfique en rien, tout cela est interdit dans les maisons d'Allah Azza wa Jal. Tout cela est interdit. Tout cela est interdit. Subhanallah. S'il y a quelqu'un, comme on disait la semaine dernière, et si la personne, elle a dans son travail, ils ont une réunion, je ne sais pas quoi. Tu vas voir comment il va être. Il va faire attention d'être bien présentable, d'avoir son portable éteint pour ne pas déranger, d'avoir vraiment tout dans l'ordre afin de rentrer dans le cadre. Subhanallah. Et il vient à la mosquée, la hawla wa la quwwata illa billah. Pire que chez lui, même chez lui, il ne fait même pas ça. Même chez lui, il ne fait même pas ça. Il y en a un qui va, il va allumer la lumière et il la laisse allumer. Les toilettes. Il y en a un qui fait comme ça chez lui. Subhanallah. Il y en a un qui laisse allumer le robinet d'eau. Il y en a un qui vient, il s'en fiche si c'est sale, c'est propre. Il laisse son portable allumé. Il se dit pas, subhanallah, les gens prient. Ils vont être dérangés. Ah non, mais dès que ça vient dans la dunya, la khidma et tout ça, ah, il fait attention, il faut que ce soit bien habillé. Maintenant, il va venir comme il vient, puis il s'en fiche, et puis voilà. C'est la hawla, la quwwata illa billah, Allah al-musta'an. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يكون في آخر الزمان أقوام يكون حديثهم في مساجدهم أولئك لا ينظر الله رب العالمين إليهم وليس لله رب العالمين بهم حاجة هؤلاء لا يبالهم الله بالا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a informé que vers la fin des temps, il y aura des gens qui discuteront dans leur mosquée. Subhanallah. Il y aura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, parmi les signes de sa prophétie, il a dit qu'il y aura des gens vers la fin des temps qui discuteront dans leur mosquée. Cela, Allah, Seigneur de l'univers, ne les regardera pas et ne se préoccupera pas. Ils seront délaissés. إذا جلس الإنسان في المسجد قبل إقامة الصلاة فهو عند جلوسه في صلاة من تظر الصلاة. Donc si une personne s'est assise dans la mosquée avant l'heure de la prière en groupe, pendant qu'il est assis, il est considéré comme étant en prière tant qu'il attend la prière. وإذا فرغ من الصلاة وجلس في بيت الله فإن الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحم ما زال في موضعه ذلك ما لم يحدث وقال العلماء ما لم يحدث يعني ما لم ينقض وضوءه او ما لم يؤذي احدا. Parce qu'il y en a plein en fait qui croient que ce hadith là ça concerne seulement s'il a perdu ses ablutions. C'est-à-dire que donc le prophète Mohammed, donc en fait s'il termine la prière, la personne s'il termine la prière, d'accord, puis reste assis dans la mosquée. Les anges prient sur lui, demandant à Allah le Très-Haut, « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, aie miséricorde sur lui, tant qu'il reste à sa place, et qu'il ne perd pas ses ablutions, ou qu'il ne nuit à personne. » Parce que souvent, les gens utilisent « ma lam yuhdith », ils croient que c'est juste qu'il perd ses ablutions. C'est pas que ça, c'est soit il perd et qu'il ne nuit à personne. Et on va voir par la suite comment aussi la personne peut nuire. Yanduru ila al-muslim aw tanduru muslimatun ila muslima nadratan fiha ihtiqar aw yushiru wahidun ila wahid an thalith bi annahu kadha aw kadha fadlin عن التناول باللسان والوقوع في الغيبة وهي من كبائر الإثم ومن حقوق العباد. Un musulman, par exemple, un musulman regarde un musulman, donc son frère, de travers. Ou il le regarde d'un air pour le rabaisser, par exemple. D'accord ? Ou une musulmane, yani lorsqu'elles sont entre sœurs, elle regarde son autre sœur la sous-estimant. Hein ? Ou quelqu'un fait un signe à un tel à propos d'un troisième, sans compter ceux qui le font par la langue. Et le fait de tomber dans la riba, ce qu'on avait dit, c'est le fait de parler sur un frère, hein, son absence, qui fait partie des péchés majeurs. Et ceci fait partie des droits des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. لأن الغيبة لا تغفر يوم القيامة. Parce que la riba, le fait de parler sur son frère en son absence, n'est pas pardonné à Allah Azza, par Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. لأنها ليست من حقوق الله car elle ne fait pas partie du droit d'Allah وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ Mais elle fait partie du droit des serviteurs. Car le fait de parler sur un individu en son absence, donc comme je disais, n'est pas pardonné le jour de la résurrection. Cependant, les ulama ont mentionné que mettre en garde, bon ça fait partie des ahl al-ilm, contre les innovateurs ne fait pas partie de la riba, comme les savants de la sunna et du tawhid l'ont mentionné. Nous, on parle là en fonction entre frères, la personne qui parle sur son autre frère, d'accord, ou la sœur qui parle sur notre sœur, ou le fait de regarder. Eh bien là, tu nuis ton frère ou tu nuis ta sœur, subhanallah, eh bien tu perds la récompense que les malaïka, les anges, sont en train d'invoquer Allah Azza wa Jalla pour toi. فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْفِيَةِ الْعِبَادِ حُقُوقَهُمْ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِأَنَّ رَبَّكَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا شَيْئًا Donc il est nécessaire de donner le droit aux individus, car Allah, ton Seigneur, n'est injuste envers personne. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا دَرْهَمْ وَلَا دِنَارٍ وَإِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ Car le jour du jugement, il n'y aura pas d'argent, ni dinar, ni dirham à rembourser en cas de litige. Non, ce sera juste les bonnes actions qui sont prises et les mauvaises actions qui sont reçues par celui qui a oppressé l'autre. فَإِذَا جَاءَ الْإِنسَانُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُبَكِّرًا فليصلي ما شاء الله ثم فليصلي فpardon ثم فليضل في الذكر او في تلاوه القران العظيم Donc si la personne vient tôt يعني à la mosquée bien avant l'heure de la prière en groupe et bien qu'il prie qu'il rentre في تحيه المسجد qu'il prie ce qu'Allah عز وجل a voulu puis qu'il reste à faire du dhikr ou de la lecture du Coran, qu'il récite du Coran. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَجْلِسْ سَاكِتًا مُتَفَكِّرًا فِي خَلْقِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَصْمُتْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمْ فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ S'il ne fait rien de cela, ça veut dire si par exemple il ne fait pas de décro, il ne lit pas de Coran, le minimum qu'il fait, la moindre des choses, est donc qu'il s'assoit et demeure silencieux et qu'il médite sur la création d'Allah Azza wa Jal. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui parle ou qui veut parler alors qu'il dise quelque chose de bien ou sinon qu'il se taise. أكثر كلام الخلق في هذا الزمان ليس في الخير. La majorité des paroles des gens dans ces temps-ci ne sont pas des paroles de bien. وإنما هو في الشر. Et souvent, très souvent, ce sont des paroles qui sont malsaines ou des choses qui sont mauvaises. ولو كان في الكلام المباح لكان فيه من فقد الزمان الشريف ما لا يعاود ما لا يعاوذه شيء يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et même si la personne a dit quelque chose de bien, d'accord, des paroles on va dire qui sont autorisées, il y a dans cela une perte de temps qui ne pourra être remplacée par autre chose le jour de la résurrection, comme l'a informé le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الإنسان إلى المسجد مبكرا فليصلي ما شاء الله ثم فليأخذ في ذكر الله وَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَى فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْرَى فِي كِتَابِ اللَّهِ Donc si la personne vient tôt, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait tahiyyat al-masjid, puis elle fait du dhikr. Et si elle peut lire le Coran, elle lit le Coran. Elle ne nuit à personne et elle évite de vouloir rentrer dans les discussions. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire les courses ou quoi que ce soit? D'accord? Parce que tu es dans la maison d'Allah, Azza wa Jal. Tu n'es pas au supermarché ou chez toi. وكذا تفعل المرأة المسلمة التي تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est ainsi que se doit aussi de faire la femme musulmane qui croit en Allah comme étant son Seigneur, en l'islam sa religion et en Muhammad en tant que prophète et messager d'Allah. Donc le ou la musulmane se doit, lorsqu'elle arrive tôt, faire les rak'atin tahiyyat masjid, faire du dhikr, ou méditer sur la création d'Allah, ou si elle peut lire le Coran, elle lit le Coran. وَقَدْ عَظَمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ شَأْنَ الصَّلَاةِ جِدًّا حَتَّى عَظَمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّيْرَ مِنْ بَيْتِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أو الْمُسْلِمَ إِلَى مَسْجِدِ اللَّهِ. Et Allah Azza wa Jal a mis beaucoup d'importance et de bien dans la salat, ainsi que dans le trajet que prend le musulman de chez lui vers la mosquée, le musulman ou la musulmane. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا إذا قصدنا المساجد أن نأتيها وعلينا السكينة. Donc car le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم nous a ordonné que si l'on décide de se rendre à la mosquée, que l'on s'y rende avec sérénité. Et c'est une erreur qu'on a tous fait. Allah musta'an. حتى السعي في الطريق من أجل الذهاب إلى المسجد ينبغي أن يعرف الذي يقصد المسجد من الذي يقصد غيره. Même le fait de se rendre à la mosquée, la façon de se rendre à la mosquée, hein, on se doit de savoir, en voyant la personne, comment elle se comporte, si elle se dirige vers la mosquée ou si elle vise autre chose que la mosquée. ولو كانت الصلاة قد أقيمت. Et donc même si la prière a déjà commencé, même si la prière a déjà commencé, admettons la prière elle est à 7h, d'accord, il vient de quitter chez lui 7h. Donc il ne se met pas en train de courir. Il marche tranquillement, même si la prière a déjà débuté. فَلَا يَسْعَى الْمَرْءُ لَا تَأْتُ الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ. La personne ne doit pas courir pour se rendre à la mosquée, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَ تَسْعُونَ إِتُوهَ تَمْشُونَ عَلَيْكُمِ السَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la prière a débuté, ne venez pas en courant, mais venez en marchant, que vous ayez la sérénité. Hein? Ce que vous avez attrapé lorsque vous êtes arrivé dans la mosquée, ce que vous avez attrapé de la prière, d'accord, continuez-le. Et ce que vous avez raté, complétez-le. D'accord. Et ce n'est pas par exemple, l'imam, il vient de faire l'inclinaison. Là, c'est différent parce que c'est pas... Mais on a des mosquées, par exemple, dès que c'est en bois, t'entends la personne douf, douf, douf, douf, douf, en train de courir et en train de déranger tout le monde qui est en train de prier. Donc ce qu'il y a, c'est qu'elle vient, elle attrape tranquillement. L'essentiel, c'est qu'elle soit sereine. علينا عباد الله أن نعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. À nous, aux serviteurs d'Allah, de donner de l'importance à la législation d'Allah Azza wa Jal, car cela fait partie de la piété des cœurs. بارك الله ومن أعظم شعائر الله بيوت الله رب العالمين في أرضه. لا يصلح فيها ما يصلح فيما سواه من الأماكن فعلينا أن نحترم مساجد الله حتى ينزل الله رب العالمين علينا رحمته. Donc, à nous de donner de l'importance à la législation d'Allah Azza wa Jal et ceux qu'il a, de par sa permission, fait que les mosquées soient établies. Donc à nous de donner de l'importance à cela. Car donner de l'importance à la législation d'Allah fait partie de la piété des cœurs. فهذه المساجد لم تبنى إلا لذكر الله وإلا للصلاة وإلا لتلاوة القرآن العظيم. Donc les mosquées n'ont été établies que pour le rappel d'Allah, que pour la prière et pour la lecture du Coran. أن نجلس فيها مطمئنين ذاكرين الله رب العالمين. Qu'on s'y assied, qu'on s'assoie dans les mosquées, hein, en étant serein, en étant serein et en se rappelant d'Allah Azza wa Jal. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم على لسان نبيه رفع الصوت في المسجد من أجل التشويش حتى لا يشوش الإنسان على أخيه ولو أن ترفع صوتك بتلاوة القرآن. Et si Allah le Très-Haut a interdit par le biais de son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم le fait d'élever la voix dans la mosquée afin de ne pas déranger son frère, ainsi qu'il ne lui est pas permis d'élever la voix en lisant du Coran. En lisant du Coran. Car cela dérangera celui qui prie, hein, Ou celui qui lit le Coran de son côté, ou celui qui fait du dhikr. لا يجوز للرجل أن يقرأ القرآن في المسجد بصوت مرتفع ما دام هناك ما دام هنالك في المسجد من يذكر الله أو يصلي لله رب العالمين. Donc il n'est pas permis à l'homme de lire le Coran à voix haute dans la mosquée tant qu'il y en a qui sont présents, soit en train de faire du dhikr ou soit en train de prier, ou soit qui sont en train d'assis, en train de méditer la création de Dieu. Donc c'est interdit de lire le Coran à voix haute dans la mosquée lorsqu'il y a des musulmans avec nous, des frères. حتى رفع الصوت بالقرآن لا يجوز في بيت الله تبارك وتعالى لغير ضرورة ومصلحة كأن يكون في الصلاة أو في مجالس التعليم أو أما أن يرفع المرء صوته في بيت الله رب العالمين بتلاوة القرآن العظيم فإذا كان ذلك يشوش على مصل أو على ذاكر لله رب العالمين هو غير مصل فإن ذلك لا يجوز. Donc, il n'est pas permis de lire le Coran à voix haute, parce qu'il y en a, soit ils sont en train de prier, soit ils ne sont pas en train de prier, mais ils sont assis en train de faire du dhikr, ou sont en train de méditer, ou sont en train de faire du dhikr. Il n'est pas permis par cela, parce que vous allez déranger les frères qui sont à côté. وَلَا يَتَحَصَّلَ الْمَرْءُ مِنْ وَرَاءِ التِّلَاوَةِ حِينَ إِذٍ إِلَّا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et donc, lui, il croit qu'il fait bien. Il est en train de lire le Coran. Hein? Alors qu'il est en train de chawouch, il est en train de déranger ceux qui sont assis. Eh bien, et lui, pendant qu'il est en train de lire, il reçoit des péchés. Parce qu'il est en train de déranger ceux qui sont assis. Il reçoit des péchés. Subhanallah. Je me souviens, un coup, j'étais dans une mosquée, je donnais un cours. Et on avait, ils étaient regroupés. Et ils lisaient en groupe. Et ils élevaient la voix. À force, je devais crier pour, limite, pour subhanallah. Yani. Il y en a qui comprenaient, l'autre il était en train de lire, il ne pouvait pas se concentrer, l'autre il était là, il était subhanallah. Et les gens ils croient qu'ils font bien. Et les gens ils croient qu'ils font bien, c'est ça le problème. Le truc c'est pas qu'on croit qu'on fait bien, c'est est-ce que ce que l'on fait est en conformité avec le Coran et la Sunna. C'est comme ça qu'on doit peser nos actions. C'est pas si, moi je pense que c'est bien. Allah Azza wa Jalla dit bien, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Devrons-nous vous informer des pires des perdants? Ce sont ceux qui croient, hein, qu'ils font de bonnes actions, qu'ils font de bonnes choses, hein? Ce sont ceux qui se sont égarés de la voie droite alors qu'ils croient qu'ils font de bonnes actions. Subhanallah. Et donc la personne là, lorsqu'elle fait ça en dérangeant ses frères, eh bien, elle ne reçoit pas de récompense, mais elle pêche. علينا أن نقدر مساجد الله وأن نحترم بيوت الله تبارك وتعالى وهناك فرق كبير بين الأسواق وبين المساجد. Donc à nous de respecter les mosquées, les maisons d'Allah عز وجل, que sont les mosquées. Et il y a une énorme différence entre les marchés et les mosquées. علينا نحن المسلمين بما أمرنا الله رب العالمين أن ندخل الأسواق بفكر المساجد بفكر النظيف لا أن ندخل المساجد بفكر الأسواق. Donc à nous, en tant que musulmans, d'accord, qui suit la législation d'Allah Azza wa Jal, de bien différencier entre les marchés et les mosquées. Lorsqu'on rentre dans une mosquée, on n'est pas en train de faire des ventes, voilà, en train de vouloir vendre quelque chose, voilà, en train de discuter sur la vie de tous les jours, voilà, sur la dunya et tout ça. Il faut bien différencier entre ça. À nous, lorsqu'on rentre dans les mosquées, de rentrer avec la mentalité que l'on rentre dans les mosquées. Lorsque tu rentres dans une mosquée, tu dois avoir une mentalité propre, saine, vouloir faire le bien, recevoir la récompense, ne pas déranger tes frères et sœurs. Tes frères, parce que les sœurs, c'est pas. Ne pas salir les choses. Respecter, subhanallah. C'est la maison d'Allah. Tu devrais donner plus d'importance à la mosquée que chez toi. C'est la maison d'Allah, Azza wa Jal. Subhanallah. Et les gens, subhanallah, eh bien, ils prennent ça comme une chose d'acquise. Une chose d'acquise. Et ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Parce que le musulman, il est altruiste. Il ne pense pas qu'à lui-même. Il ne pense pas à un ta'at. Je vais faire ça, je vais balancer ça, je vais laisser la robe. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va t'éteindre la lumière. Il y a quelqu'un qui va fermer le robinet. Il y a quelqu'un qui va nettoyer. De toute façon, il y a quelqu'un qui... Vas-y, ils ont les noms, ils vont nettoyer. C'est pas comme ça qu'il faut penser à Akhi. Subhanallah. Pense à Akhi, de toute façon, dans notre tombe, on sera seul. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme action? Tu l'as fait sincèrement pour Allah, Azza wa Jal. Tu as fait ton intention lorsque tu venais dans cette mosquée-là pour recevoir la récompense en craignant Allah, Azza wa Jal. Tu sais que si tu fais des choses qui sont fausses, des erreurs, tu pèches. Subhanallah. Yani, tu fais les ablutions chez toi. Tu fais tout le trajet. Chaque pas que tu fais, ça t'efface un péché, ça t'élève en degré. Tu viens, tu pries de la rak'at, tu attends la prière, tu lis du Coran à voix basse. Ou yani, juste avec tes yeux, pour recevoir chaque lettre à Ashar Hassanat. Et Allah, il augmente à qui il veut. Et pendant que tu es en train d'attendre, tu es en état de prière, tu reçois la récompense comme si quelqu'un priait. Puis si tu as fait la prière en groupe et tu attends, en restant à ta place, en faisant du dhikr, les anges prient sur toi, en demandant à Allah qu'il ait miséricorde sur toi, en demandant à Allah qu'il te pardonne. Subhanallah. Et la personne, au lieu de penser à tout cela, à faire en sorte, subhanallah, on est rempli de péchés, à faire en sorte qu'au moins Allah Azza wa Jal, on espère qu'il accepte cela de nous, si c'est fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et la personne, elle vient, elle rentre dans la mosquée. Et elle commence à regarder un tel comme ça, et l'autre comme ça, et un tel il a ça, et l'autre il est comme ça, et l'autre je sais pas quoi, celui-là il travaille, l'autre il travaille pas, l'autre il fait je sais pas quoi, et il commence à faire ça. Voilà, juste il regarde comme ça, il regarde d'un air, bah, subhanallah. Comment une personne, subhanallah, elle sous-estime les choses alors qu'auprès d'Allah, azza wa jalla, c'est énorme. À nous de rentrer dans les marchés, les magasins, avec la mentalité des mosquées. Une mentalité propre. Saine. On n'est pas là pour tricher, pour mentir ou pour voler ou pour trafiquer. Un musulman, il doit être, comme on disait la dernière fois, quelqu'un, c'est un musulman à côté de toi, il doit se sentir en sécurité. Normalement, c'est ça. Subhanallah. C'est pas, il se dit, ah, ceux-là, ils sont comme ça, c'est des voleurs, ou celui-là, il trafique, ou il triche, il ment tout le temps. Subhanallah. C'est une responsabilité d'être musulman. Donc, c'est pas juste la personne, elle vient par habitude. Par habitude. La dernière fois, dès qu'on avait mentionné le hadith « Innamal a'mal bin niyyat », les actes ne valent que par leur intention. Les ulama avaient mentionné, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, avait mentionné que notamment l'intention, rien que l'intention, si une personne sort de chez elle et vient prier la prière en groupe, d'accord ? Parce qu'elle fait juste par habitude. Subhanallah. Qu'est-ce que tu veux qu'elle reçoive comme récompense, là ? Les actes ne valent que par leur intention. Alors que la personne qui vient pour prier la prière en groupe, en se remémorant ce qu'on a vu, avec tout le bien qu'il y a à fréquenter les mosquées, à attendre, à faire du dhikr, subhanallah. On avait mentionné la dernière fois celui qui dit subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, un palmier lui est planté pour lui au paradis. Subhanallah. Et celui qui vient avec l'intention pour la prière en groupe, recevoir la récompense de ce qu'il va faire ici, subhanallah, il aura ces récompenses-là. Une personne qui a l'intention de faire les courses, parce qu'elle doit faire les courses, et une personne qui a l'intention de faire les courses, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mentionné que celui, tu vois, la nourriture que tu apportes dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa. Tu es récompensé. Si tu dors tôt, on ferme la parenthèse avec ça. Tu salis l'Aïcha, tu as fait la prière de l'Aïcha. Mais tu dors tôt, ton intention c'est pour faire du Qiyam et être présent à la prière du Fajr. Tu vois, ton sommeil, t'es récompensé pendant que tu dors. Et l'autre, il dort parce qu'il faut dormir, il n'a rien. Subhanallah. Donc selon l'intention, c'est pour ça qu'on doit à chaque fois se renouveler dans l'intention lorsqu'on vient et on fréquente les mosquées. Barakallahu fikum. فعلى المسلم إذا علم أمرا من أمور الله أن يلتزم به في اللحظة. Donc si une personne lui est parvenue un savoir, ce qu'on dit en savoir, c'est Allah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sahaba dit, d'accord, clair, à lui de directement, il l'a entendu, de l'appliquer sans discuter, sans chercher à dire attends, je suis pas convaincu, je vais voir, attends un peu, je vais commencer à demander un tel, subhanallah, il y en avait un, je vais demander un tel, et puis il a vu qu'il n'a pas eu la réponse qu'il voulait, il va aller voir, demander un tel, il va aller, et il voit qu'il y a plusieurs personnes qui lui donnent la même réponse que le premier, il va essayer de trouver en Amazon quelqu'un qui va lui donner une réponse par nécessité, vas-y. Subhanallah. Donc si la personne lui est parvenue à savoir, à elle de l'appliquer directement. Car notre temps est compté, tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Subhanallah. Tu as acquis un savoir, tu l'appliques directement avec l'intention sincère que c'est fait pour Allah Azza wa Jal seul et c'est en conformité avec la sunna, t'es récompensé inshallah. Subhanallah. Regardez ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Wa Aisha radiyallahu anha. Hein? Taqul radiyallahu anha. Lam ara khayran min nisa' al-ansar ridwanullahi alayhim lamma nazalat ayatul hijab bil-layl. Rahmakallah. لم يعلمناها إلا بالليل سبحان الله يعني عائشة رضي الله عنها je vais résumer parce que le hadith est un peu long dans Sahih al-Bukhari a dit lorsque le verset du hijab du voile lorsque le verset du voile a été révélé il a été révélé pendant la nuit il a été révélé pendant la nuit سبحان الله les femmes ont été informées pendant la nuit que le verset du hijab a été révélé comme c'est dans Sahih al-Bukhari lamma nazalat ayatul hijab subhanallah les femmes elles l'ont su la salate du subh est arrivée toutes les femmes avaient directement le hijab subhanallah elles ont reçu le rappel elles l'ont appliqué direct elles l'ont appliqué direct donc voyez comment lorsqu'une personne apprend une chose elle l'applique directement car notre temps est compté et on espère qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous. Allahumma raddana ila ad-din raddan jamila. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.